Raúl Castro Ruz, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba, a fait parvenir le 23 août un message de réponse au maréchal Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Le destinataire a exprimé au maréchal Kim Jong-un sa gratitude pour les félicitations sincères adressées à l'occasion du 85e anniversaire de sa naissance.